l'amour est un mystère que je n'ai pas su résoudre. Ce sont des mots, des regards qui mettent le feu aux poudres. C'est offrir son cœur au milieu des coups de foudre. Peu importe s'il souffre, s'il faille encore le recoudre. C'est accepter de ne plus pouvoir vivre seul. D'accepter la beauté, le mal comme une rose que l'on cueille. C'est être sûr d'avoir la seule chose que l'on veuille. Quand un simple je t'aime vaut les mots de tous les recueils. C'est mourir un peu chaque jour à cause de la distance, à cause du temps qui nous sépare, mais le cœur s'en balance. L'important c'est le départ quand on s'aime en cadence, parce qu'on est la force de l'autre qui devient notre essence. Hurler comme l'orage gronde qu'on s'aime en mourir, qu'on irait au bout du monde juste pour retrouver son sourire. Faut pas se mentir, l'avenir on le fera pas sans souffrir, mais par amour on oublie parce que le bonheur est un beau souvenir. La vie nous sépare parfois et c'est déjà trop souvent, quand on perd tout à la fois, même la foi de ses sentiments. Et s'il nous ment, on se retrouve face à soi et ses bons moments, se demandant si ce n'était que le rêve d'un cœur qui gouverne notre temps. Et nos sens se réveillent face à ces photos prises ensemble, on en pleure, le corps tremble, enfin c'est ce qui me semble. On revoit nos erreurs sans pouvoir effacer leur surnom, et on tombe d'avoir fait du mal à la seule personne qui nous tirait de l'ombre. Et on se cassera la gueule encore et encore, à raison ou à tort, on cherchera des yeux qui nous réconfortent. Mais c'est mort, la seule personne qui nous rendait fort est celle qui a quitté le port. On le sait, mais on se donne un espoir de se retrouver encore. Je ne connais pas toutes les formules pour me faire pardonner, la seule chose que je sais faire est de poser quelques mots sur le papier, de dire au micro que j'en ai des regrets, mais ça ne va rien changer. Comment peut-on faire du mal à la seule personne qui nous accepte telle qu'on est? Le silence tue, mais on reste debout quoi qu'il arrive, parce qu'on l'a déjà vécu et c'est peut-être le plus terrible de ne pas l'avoir vu et d'arriver à cette douleur que l'on ravive, alors qu'il n'a fallu que ses yeux dans les miens pour que je revive. L'amour n'est pas mort dans une phrase, on l'étouffe par tracas. Ce n'est peut-être qu'une phase où la fin, l'avenir nous le dira. On peut se dire que c'est le destin, on est toujours deux dans ce cas. Un couple ne peut être toujours bien, on affronte autant de hauts que de bas. La vie nous sépare parfois et c'est déjà trop souvent, quand on perd tout à la fois, même la foi de ses sentiments. Et s'il nous ment, on se retrouve face à soi et ses bons moments, se demandant si ce n'était que le rêve d'un cœur qui gouverne notre temps. Et nos sens se réveillent face à ces photos prises ensemble, on en pleure, le corps tremble, enfin c'est ce qui me semble. On revoit nos erreurs sans pouvoir effacer leur surnom, et on tombe d'avoir fait du mal à la seule personne qui nous tirait de l'ombre.